Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'affaire Salman Rushdie, un événement qui a défrayé la chronique pendant presque une décennie, qu'on appelait aussi l'affaire des versets sataniques, du nom de ce roman publié en anglais chez un éditeur européen par un auteur britannique d'origine indienne et d'ascendance musulmane, livre que personne ne s'était donné la peine de lire, mais qui a été très vite considéré par certains comme blasphématoire envers l'islam. C'est de ce blasphème, justifié pour les uns, infondé pour les autres, que le régime des ayatollahs iraniens prononcera une fatwa, autrement dit la condamnation à mort de l'écrivain britannique et de ses éditeurs. Débute alors une véritable chasse à l'homme, condamnant Salman Rushdie à la clandestinité et soulevant dans le monde musulman une tempête qui fera une quarantaine de victimes et plus de 200 blessés. Pourtant, contrairement aux idées reçues, cette fatwa n'est pas seulement le résultat de la rencontre entre un livre audacieux venu de l'Occident et un esprit intolérant venu du Moyen-Orient. Non, c'est plus que ça. L'unique objectif de cette fatwa est politique et ses résonances avec ce qui se passe aujourd'hui sont profondes. Elles peuvent se résumer en une phrase « Tu ne penses pas comme moi, je t'élimine ». Notre invité aujourd'hui, Gwenaëlle Calves, professeur des universités en droit public à Cergy-Pontoise, spécialiste du droit et de la liberté d'expression et auteur du livre intitulé « Territoire disputé de la laïcité » en 2018 aux presses universitaires de France. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Vendredi 25 septembre 1998, Londres, quartier d'Islington. Un homme marche dans la rue, suivi de près par trois gardes du corps, des policiers d'élite de la brigade de Scotland Yard. Vêtu d'un polo couleur saumon et d'une veste vert clair, il s'avance d'un pas léger. Les traits de son visage traduisent le bonheur qui serait celui d'un évadé. Un bonheur qu'il peine d'ailleurs à dissimuler au journaliste qui se précipite vers lui pour l'interviewer. De cette scène plutôt anodine, l'histoire retient encore aujourd'hui ses images, celles d'un homme marchant tranquillement dans les rues de Londres. Car ce jour-là, l'anonyme Joseph Anton quitte son nom d'emprunt et redevient, après 11 ans de clandestinité et de silence, l'écrivain Salman Rushdie. Ici s'écrit la fin d'un calvaire qui aura duré plus de 3500 jours, un long tunnel sous lequel le quotidien de l'écrivain fut ponctué de menaces de mort, de changements de domicile en pleine nuit, d'une protection policière et de privation de liberté. Avec ce sentiment de vivre en permanence, avec une épée de Damoclès sur la tête, on imagine l'angoisse, compagne de tous les instants. Sur le coup de 16h, Salman Rushdie se rend chez son éditeur où il est attendu pour une grande conférence de presse. La salle est comble, remplie de journalistes venus du monde entier et qui ont dû, sécurité oblige, montrer patte blanche à l'entrée. Ici se bouscule un preneur de son japonais, un caméraman américain, une présentatrice de la télévision brésilienne. Et parmi cette foule, on retrouve le correspondant de France Inter à Londres, Serge Martin, auquel l'écrivain britannique, décidément très détendu, s'adresse en français. Je suis très heureux, quoi dire, mes sentiments ce sont les sentiments que vous pouvez comprendre sans, je dis, mais c'est aussi un jour de fierté pour la liberté d'expression et pour l'art du roman. Mais Salman Rushdie le sait, impossible pour lui de retrouver dans l'immédiat une vie normale. Il doit rester prudent car si depuis 24 heures le risque d'être victime d'une tentative d'assassinat a considérablement diminué, la menace de mort qui plane sur lui n'est pas pour autant levée. La veille, en effet, alors que l'écrivain était chez lui, affairé à préparer le dîner en compagnie de deux de ses gardes du corps, il a reçu un étonnant coup de téléphone en provenance du Foreign Office, le ministère des Affaires étrangères britannique. C'est le secrétaire d'État lui-même qui l'a appelé, qui lui a annoncé une nouvelle que l'écrivain ne pensait pas entendre de son vivant. La République islamique d'Iran a décidé de se dissocier officiellement et publiquement de la fatwa qui le condamnait à mort. Autrement dit, l'État qui voulait sa perte jette l'éponge. Mais pourquoi l'Iran a-t-il fait marche arrière? Réponse avec le journaliste de France Inter, Luc Lemonnier, chef du service diplomatique. Pour les relations diplomatiques entre l'Iran et le reste du monde, cette décision hautement médiatique est un véritable progrès dans le droit fil des gestes de bonne volonté affichés par le président Khatami depuis son élection en mai 1997. Un progrès qui permettait hier au ministre britannique des Affaires étrangères d'annoncer la reprise des relations diplomatiques bilatérales. Téhéran a besoin, il est vrai, de sortir de son isolement, un besoin urgent, la crise économique fait rage, il faut susciter des investissements étrangers, trouver des débouchés pour le pétrole notamment. Pour le reste du monde, eh bien, ce geste, c'est le signe que l'Iran redevient fréquentable, comme on dit, la fatwa qui frappait Roujdi et les 2,5 millions de dollars de primes promis aux chasseurs de têtes illustrait ce qu'il convient d'appeler un terrorisme d'État. L'Occident ne verra pas non plus d'un mauvais œil la possibilité de renouer avec un pays qui a une porte ouverte sur le pétrole du Caucase. Est-ce pour autant la fin de la traque pour Salman Rushdie ? Le gouvernement britannique en doute, d'autant qu'il le sait, l'accord conclu avec l'appareil d'État iranien n'inclut en aucun cas les fanatiques ou les groupes extrémistes qui pourraient encore en vouloir à la ville d'auteur des versets sataniques. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre Tony Blair réaffirme que la protection de l'écrivain continuera d'être assurée par les hommes de Scotland Yard, et ce pour une durée indéterminée. Il faut dire aussi qu'au même moment, dans les rues de la capitale britannique, des voix inquiétantes, même si elles sont ultra minoritaires, se font entendre. Après 10 ans d'une chasse à l'homme aux quatre coins du monde, certains n'entendent pas tourner la page, comme cet individu, membre d'une organisation islamique, qui s'exprime sur France 2. Une séquence tournée dans les jours qui ont suivi l'annonce par les autorités iraniennes d'abandonner la fatwa. Sur le principe, la condamnation à mort court toujours. Salman Rushdie a insulté le prophète dans son livre Les versets sataniques, et pour cela, selon l'islam, il doit mourir. Rushdie doit mourir, dit cet homme, car il a insulté le prophète. Mais pourquoi diable cet individu semble-t-il persuadé de détenir la vérité divine sur le sort de l'écrivain ? Et pour quelle raison exacte Salman Rushdie est-il ainsi accusé d'insulter la religion musulmane ? Pour le comprendre, il est nécessaire de revenir près de 20 ans en arrière, à une période où le Moyen-Orient était en pleine mutation et où la donne politique venait de changer radicalement en Iran. Parle en ce moment en direct depuis l'aéroport où l'ayatollah Khomeini vient de terminer il y a une dizaine de minutes son premier discours politique. L'Iran a d'ailleurs vécu tout à l'heure à 9h40, 7h10 heure de Paris, son moment historique. C'est à ce moment-là que l'ayatollah Khomeini, après 15 ans d'exil, est apparu sur la passerelle du Boeing 747 d'Air France, apprêté spécialement. Le chef religieux est descendu lentement, soutenu par son fils et un officiel de la compagnie aérienne. Pour ce moment tant attendu par lui et par des millions d'Iraniens, le vieux chef religieux a conservé la même impassibilité que lors des jours ordinaires. Une Mercedes bleue, protégée par un cordon de policiers, l'a ensuite conduit dans le hall de l'aéroport où, il y a 6 minutes, je vous l'ai dit, il vient de prononcer le premier discours politique de son retour d'exil. Le 1er février 1979, une page de l'histoire se tourne en Iran. La révolution est en marche. Le Shah quittait le pays quelques jours plus tôt. Avec ce départ précipité, pense-t-on, c'est la fin des années noires dans un pays dirigé par un autocrate sans scrupules et affidé de l'Occident. Alors immédiatement, la SAVAK, la police politique du régime, l'une des pires au monde, est dissoute et ses dirigeants, pour la plupart, sont assassinés par les Pasdaran, les gardiens de la révolution. Pourtant, il apparaît très vite aux yeux de nombreux observateurs que dans ce vent du changement, le guide suprême Khomeini n'entend pas forcément orienter son pays sur le chemin de la démocratie, si l'on puisse dire. À peine installé, le Conseil islamique destitue le Premier ministre et s'accapare très vite les organes du pouvoir. Puis c'est un changement de constitution qui confère aux religieux la primauté sur le politique. Selon ce principe, le guide de la révolution, ou guide suprême, est le chef de l'État, premier personnage du régime. L'Iran vient de basculer d'une calamité à l'autre. Et c'est toute la société iranienne qui s'enfonce dans l'islamisation forcée. Le tchador, qui couvre les femmes de pied en cap, devient le nouveau symbole du pays. Et l'Iran devient le chef de file d'une frange de l'islam, les chiites, avec à sa tête l'ayatollah Khomeini qui réclame le retour à la tradition et à l'application de la loi islamique. Une loi qu'on appelle la charia. Elle est à la base de toute la stratégie de Khomeini. Car qu'y a-t-il de mieux que de s'appuyer sur le sacré pour légitimer et asseoir son pouvoir ? Dans le même registre, le guide suprême va sciemment attiser le feu sur le mal venu de l'étranger, une obsession, et s'engager dans une violente surenchère anti-américaine qui débouchera quelques mois plus tard sur l'affaire de la prise d'otage du personnel américain de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. lorsque des centaines d'étudiants galvanisés par les discours du régime prendront d'assaut l'ambassade de la première puissance du monde, un événement d'une gravité considérable. All these people came here to support their students. Not just these people, 35 million people. Tous ces gens sont venus apporter leur soutien aux étudiants. Pas seulement eux, mais aussi 35 millions d'Iraniens. 70 000 personnes sont mortes à cause de l'Amérique avant la Révolution. 100 000 aujourd'hui sont encore dans les hôpitaux. C'est l'œuvre des Américains. Ils ne peuvent rien faire d'autre que de nous livrer le chat, et après ça, nous ne voulons plus avoir de relations avec eux. Loin d'être isolée, l'affaire des otages de l'ambassade américaine de Téhéran est un indicateur précieux pour comprendre la stratégie politique de l'ayatollah Khomeini. 400 jours de bras de fer entre les États-Unis et l'Iran. Sur la base d'une représentation mentale du monde simpliste et belliqueuse, les musulmans d'un côté, les initiés et les profanes de l'autre, Khomeini utilise cette prise d'otage pour impressionner les Iraniens d'abord, son peuple. Et de ce point de vue, c'est un prélude à l'affaire des versets sataniques bien des années plus tard. Car pour le moment, au début de la décennie 1980, l'Iran des ayatollahs est bien trop occupé à répondre à l'agression de son voisin sunnite irakien qui lui a déclaré la guerre. Un conflit épouvantable qui, à bien des égards, ressemble à la Première Guerre mondiale, avec ses sacrifices inutiles, ses armes de destruction massive et les gaz, oui, les gaz. 8 ans d'horreur pour le leadership du Moyen-Orient. À 4500 km de là, à Londres, bien loin de toute cette agitation qui traverse le monde musulman, Salman Rushdie s'est attelé à l'écriture de son roman « Les enfants de minuit » qui va remporter un franc succès, tant auprès de la critique qui lui décernera de nombreux prix que du public en général. Une consécration pour cet homme né à Bombay en 1947 de parents musulmans et qui a dû immigrer en Grande-Bretagne à l'âge de 14 ans. L'histoire de Salman Rushdie s'apparente à celle des centaines de milliers d'enfants qui ont grandi entre deux cultures durant la période de la décolonisation. Entre les traditions et les rites ancestraux et spirituels du pays de leur naissance et la modernité occidentale matérialiste. On retrouve cette dimension dans son œuvre, avec ce regard qui fustige l'obscurantisme sous toutes ses formes. C'est le regard d'un immigré qui porte son attention sur les sociétés indiennes et pakistanaises auxquelles il n'appartient plus désormais. Un regard teinté d'athéisme. Considéré par ses amis comme un homme intelligent et affable, doté d'un grand sens de l'humour, Rushdie se revendique avant tout écrivain en quête d'une forme littéraire pleinement contemporaine, susceptible d'exposer le monde tel qu'il est. Et c'est ainsi qu'au début de l'année 84, il est un écrivain confirmé, marié, père d'un enfant, lorsqu'il se lance, au retour d'un voyage en Australie, dans son 4e roman, dont le titre, plus que le livre, deviendra célèbre dans le monde entier, et versets sataniques. C'est dans son cabinet de travail qu'on retrouve Salman Rushdie. Autour de lui, une riche documentation qu'il s'est constituée. Car même si le cadre des versets sataniques est une fiction, elle s'inspire de nombreux faits réels. L'histoire, c'est l'aventure de deux Indiens, Jibrel et Saladin, dont l'avion détourné par des fanatiques explose en plein vol au-dessus de l'océan Atlantique. Survivants miraculés de cette catastrophe, ils sont désormais les protagonistes d'une lutte éternelle entre le bien et le mal. Mais au fil des pages, le lecteur doit s'interroger pour discerner qui des deux est l'ange et l'autre le diable. Très vite, Jibrel et Saladin sont confrontés aux questions fondamentales de l'humanité. La foi, la tentation, le fanatisme religieux, le racisme, la maladie, la mort, la vengeance. Mais sur l'une des 600 pages de l'épais roman et sur près de 3 paragraphes, l'un des deux protagonistes vit des rêves fantastiques sur fond d'hallucinations. Dans ses rêves, un dénommé Mahoud, un prophète monothéiste dont les traits peuvent faire penser à Mahomet, se laisse aller à des paroles de conciliation avec les idées polythéistes. Un épisode connu sous le nom des versets sataniques du Coran qui fait l'objet d'une lourde controverse dans le monde musulman, tant l'idée de croire en plusieurs dieux est un péché. Et ce sont bien ces 3 malheureux paragraphes et ce titre sur un roman de 600 pages qui serviront de prétexte dans une vague de contestation qui va progressivement prendre l'allure d'une tempête contre l'écrivain. Septembre 1988, New Delhi, capitale de l'Inde. Depuis quelques semaines, la population se prépare à vivre de grandes élections législatives qui doivent décider de l'avenir politique du pays, le second le plus peuplé au monde. C'est dans ce contexte très particulier que doit sortir en anglais le roman « Les versets sataniques » de Salman Rushdie. Quelques jours plus tôt, un magazine local en a publié des extraits ainsi qu'une interview de son auteur réalisée à Londres. Il n'en a pas fallu davantage pour que plusieurs députés musulmans du Parlement de New Delhi qui n'ont pas eu accès au manuscrit et qui ne l'ont donc pas lu, réclament son interdiction. À cause de son titre, et seulement à cause de lui, l'ouvrage de l'écrivain britannique serait source longue de discrédit pour la communauté musulmane. Et très vite, le premier ministre indien, Rajiv Gandhi, décide d'interdire la publication du livre, car lui aussi tient à montrer son attachement à l'électorat musulman qu'il ne faut surtout pas froisser à la proche élection qui s'annonce très serrée. Et c'est ainsi qu'utilisé à des fins politiques, avant même d'avoir été lu ou publié, le livre de Salman Rushdie va se retrouver au cœur d'une affaire qu'on appellera bientôt le scandale des versets sataniques. À Londres, de nombreuses lectures publiques de l'ouvrage ont déjà eu lieu. Sur Broad Street et en public, elles n'ont jusqu'alors jamais suscité la moindre réaction d'hostilité. Le plus souvent, les gens s'arrêtent, intrigués par le titre du roman, et posent des questions. Mais personne ne semble préoccupé par les versets. Il faut dire qu'à l'approche de l'hiver 1989, dans la Grande-Bretagne dirigée d'une main de fer par Margaret Thatcher, la question qui mobilise l'opinion est plus celle du prix du gaz qui sert à se chauffer. Et c'est tout à fait tranquillement que le livre remportera le prestigieux prix White Bread. Mais très vite, l'écrivain apprend que des mouvements intégristes pakistanais qui mènent à leur campagne pour le maintien des lois islamiques demandent, dans la droite ligne de leurs voisins indiens, l'interdiction d'ouvrage. Puis c'est l'Afrique du Sud, alors en pleine apartheid, qui s'y met. Pour Johannesburg, l'occasion est trop belle de punir cet écrivain qui ose donner à travers le monde des conférences contre l'apartheid et la ségrégation. Et c'est ainsi que, comme une traînée de poudre au mois de décembre 1988, le mouvement de contestation va se répandre et toucher les milieux intégristes britanniques et puis très vite enflammer Londres où le livre de Salman Rushdie sera brûlé en pleine rue. Des manifestations rassemblant plusieurs milliers de personnes ont lieu à Bradford ou à Bolton. Des menaces de mort sont envoyées au siège de l'éditeur de l'ouvrage. L'opinion publique anglaise assiste impuissante à la montée d'un fanatisme qui est encore bien loin d'avoir atteint son paroxysme. Car au même moment, à Téhéran, le guide suprême Khomeini suit avec une attention toute particulière cette affaire Rushdie qu'il va exploiter à fond. She made us feel Scène d'émeute au Pakistan. Au moins 5 personnes ont été tuées et plus de 40 autres blessées. La police a ouvert le feu sur des milliers de manifestants qui ont attaqué ce matin le centre culturel américain d'Islamabad. Des centaines de policiers ont tiré dans la foule après avoir tenté en vain de disperser les manifestants à l'aide de grenades lacrymogènes. Cette manifestation, la plus importante depuis 10 ans dans la capitale pakistanaise, avait été organisée à l'appel des religieux musulmans pour protester contre la prochaine publication aux États-Unis du livre « Les versets sataniques ». L'ouvrage de l'écrivain britannique d'origine indienne Salman Rushdie a déjà été publié en Grande-Bretagne. D'Islamabad, une correspondance de Laurent Simon de France Info. C'est la dernière tentation du Christ version islamique. Les manifestants d'Islamabad sont des fondamentalistes et ils ne veulent pas entendre parler des versets sataniques, l'histoire romancée du prophète Mahomet tenté par le diable. Le dernier ouvrage de Salman Rushdie n'a pas seulement été interdit dans tous les pays musulmans. À Londres, où il vit, son distributeur a dû retirer les versets sataniques des rayons sous la pression des partis musulmans en Grande-Bretagne même. Fort de cette victoire, les manifestants d'Islamabad s'en sont pris au centre américain, le grand Satan, en République islamique, en franchissant les grilles, en cassant des vitres et surtout en mettant symboliquement le feu à la bannière étoilée. Deux jours plus tard, le mardi 14 février 1989, à Londres, Salman Rushdie est chez lui, lorsqu'il reçoit en milieu d'après-midi un coup de téléphone. C'est une journaliste de la BBC qui lui annonce une nouvelle qui va faire basculer sa vie. Il se trouve que quelques heures plus tôt, sur les ondes de Radio Téhéran, l'ayatollah Khomeini a annoncé publiquement la condamnation à mort de l'écrivain et de ses éditeurs. Le guide suprême aurait jugé le livre blasphématoire du point de vue du droit musulman. Un décret religieux, une fatwa, est donc diffusé. Khomeini promulgue la sentence de mort contre l'écrivain, assortie d'une prime de plusieurs milliers de dollars pour tout musulman qui parviendrait à le localiser. Salman Rushdie est immédiatement placé sous contrôle et sous protection à Londres. Il s'appellera désormais Joseph Anton, ou Anton à l'anglaise. C'est pour lui le début d'un calvaire qui va durer 9 ans. 9 ans de clandestinité. Pourtant, quand on l'interroge pour savoir s'il est inquiet pour sa vie, Salman Rushdie répond toujours avec l'humour qui est le sien. Oh, ne vous en faites pas pour moi, je ne suis qu'un simple écrivain. Et puis vous savez, Khomeini condamne le président des États-Unis à mort tous les vendredis après-midi alors. Pour le guide autoproclamé de la révolution iranienne, cette affaire Rushdie est une aubaine, le prétexte idéal pour se poser en grand défenseur chiite de l'islam et fédérer les musulmans en Iran et hors d'Iran. Un moyen également de repartir en croisade contre l'Occident profane. Il faut donc interpréter cette fatwa, non pas comme un acte purement religieux, mais comme une subtile manœuvre politique influencée par le contexte de la fin des années 80. Un avis partagé par l'ancien président de la République islamique d'Iran, Bani Sadr, aujourd'hui réfugié en France. Je suis sûr qu'il n'a pas lu le livre. Et comment il faut condamner un livre jamais lu, ni lui, ni ses proches? Donc c'est un fait politique, se servir de la religion pour des objectifs politiques. Donc il s'appuie de plus en plus sur le fanatisme. D'ailleurs, pour de nombreux intellectuels iraniens réfugiés en Europe, il est certain que personne à Téhéran ne s'est donné la peine d'ouvrir ce livre que tout le monde accuse des pires blasphèmes. Et ce pour deux raisons bien simples. D'une part parce que peu de monde parle anglais à Téhéran et d'autre part parce que les accusations ne portent que sur le titre du roman « Les versets sataniques » accusé d'être une atteinte au prophète. Placé sous très haute protection à Londres, le quotidien de Salman Rushdie se résume à rester enfermé ou à se déplacer en voiture blindée. Une vie encadrée par une dizaine de gardes-corps de l'unité d'élite de Scotland Yard, spécialisée dans la protection des personnes. À cela, il faut ajouter les incessants changements de domicile, un par semaine, et l'impossibilité de voir ses proches, sauf en de rares occasions, question de sécurité, évidemment. Quelque temps plus tard, le traducteur japonais du livre est assassiné, puis c'est le traducteur italien qui est à son tour poignardé. L'éditeur norvégien, lui, est victime d'une fusillade en pleine rue. Enfin, 37 personnes trouvent la mort dans un incendie criminel de l'hôtel où résidait le traducteur turc de Salman Rushdie. L'étau se resserre, d'autant plus qu'on apprend qu'un escadron de la mort serait sur les traces de l'écrivain en Europe. Selon l'agence de presse espagnole EFE, qui cite des sources proches de l'enquête, 5 hommes et 2 femmes d'origine iranienne chargés d'éliminer Salman Rushdie en Grande-Bretagne sont arrivés à Madrid fin février en provenance du Maroc et du Liban. L'agence décrit dans le détail les moyens de transport utilisés, avions, voitures, bateaux, le temps et le lieu du séjour. Une semaine dans un appartement du centre de Madrid où le groupe aurait pris possession d'armes et de munitions. Et les 7 personnes ont ensuite formé 3 commandos distincts avec des itinéraires différents pour rejoindre la Grande-Bretagne. Se faisant passer pour un couple de touristes, un homme et une femme ont pris le car ferry à Santander, au nord de l'Espagne, pour Plymouth et Londres, où il aurait été finalement intercepté. Le deuxième groupe, 2 hommes avec des passeports libanais, serait parti par avion pour Munich. Le troisième groupe a franchi la frontière au pas de la case, en Andorre, présentant à la douane de faux passeports marocains. Il a ensuite passé la nuit dans un hôtel en France. En France, où les agents de la DST sur le qui-vive les attendent. Et d'ailleurs, dans l'Hexagone, cette affaire divise. En cette année du bicentenaire de la Révolution de 1789, la classe politique française est en émoi. Car dans notre pays, chantre de la Déclaration des droits de l'homme, on est attaché à défendre la liberté d'expression et la laïcité. La liberté de création artistique l'emporte sur les restrictions théologiques et religieuses. C'est aussi cet héritage de la Révolution qu'on fête en France. Alors, depuis l'annonce de la fatwa par l'ayatollah Khomeini, de nombreux responsables politiques montent au créneau et s'insurgent. C'est le cas, bien sûr, du ministre de la Culture, Jack Lang. On croit rêver. Un chef d'État d'un pays qui menace de couper la tête ou d'assassiner un écrivain d'un pays libre. Déjà, le terrorisme à l'intérieur des frontières de l'Iran n'est pas acceptable. Je veux dire, les atteintes continuent aux droits de l'homme. Mais en plus, entendre un chef d'État brandir la menace de l'assassinat contre des hommes libres de pays libres, c'est évidemment inacceptable. De leur côté, Bernard Pivot, Isabelle Adjani ou encore Jean d'Ormesson, des comédiens, des hommes de lettres, des artistes et bien d'autres encore, se mobilisent et déclarent leur soutien à l'écrivain britannique. Dans les semaines qui suivent, de grandes manifestations sont organisées à l'appel de plusieurs organisations à Paris. Elles rassemblent plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et pour une partie de la communauté musulmane de France, il y a le sentiment que, contrairement à l'affaire du film de Martin Scorsese, La dernière tentation du Christ, qui avait fait couler beaucoup d'encre, ici, dans le cas des versets sataniques, il y a bien une attaque en règle, une provocation à l'égard de la religion. Alors, cet ouvrage ne peut pas être publié. Dans les milieux musulmans éduqués et ouverts, en revanche, et logiquement, le concept de blasphème ne tient pas. À l'inverse, dans les cités, certains n'hésitent pas à justifier la mort de l'écrivain. Regardez bien, la tentation du Christ, ça a fait du bruit. Pourquoi? Parce que c'était pas vrai ce qu'il y avait dedans. Il y avait des trucs qui étaient vrais et d'autres faux. Et nous aussi, c'est notre religion, quoi. On n'a pas envie que les gens ils disent n'importe quoi sur notre religion. Si vous êtes chrétien, là, vous n'êtes pas d'accord pour le film. Nous, on n'est pas d'accord pour celui-là. Là. C'est ce qu'il a dit, c'est ça. Et s'il mérite la mort, il mérite la mort. On l'a dit franchement. Il peut toucher, il peut dire, moi, il peut me dire bougnoul ou ça, je n'ai rien pour de sa gueule. Mais pour toucher le prophète, il mérite la mort. Nous sommes alors en 1989 et dans la société française, certains ont oublié que ce n'est pas parce que nous vivons dans un pays laïque qu'il ne faut pas écouter ce qui peut blesser une minorité de la population, y compris religieuse, car c'est aussi cela, la laïcité. Dans une affaire où personne n'a lu le livre et sur laquelle tout est fondé sur des spéculations et des approximations, on ne se donne pas la peine de débattre et d'en parler. C'est même un cas de fracture sociale. L'affaire des versets sataniques a en France un effet plus passionnel que dans d'autres pays. Elle se présente comme une faille dans l'idéal laïque qui tient, rappelons-le en 3 mots, le vivre ensemble. De son côté, pendant près d'une décennie, Salman Rushdie vit caché, réussissant à échapper à une 20aine de tentatives d'assassinat. Avant ce jour de septembre 1998, où l'Iran abolit sa fatwa. Mais celle-ci court toujours, selon certains, alors qu'elle est contrairement devenue obsolète et anachronique pour d'autres. Mais c'est au travers de cette histoire qui aura duré une décennie que l'écrivain britannique d'origine indienne est devenu progressivement, et malgré lui, une icône, celle du courage, celle du combat contre l'intolérance religieuse et celle de la ténacité pour garantir la liberté d'expression. Bonsoir à tous, je veux dédier cette émission à l'écrivain anglais dont la tête est mise à prix, M. Salman Rushdie. Évidemment, je ne le connais pas, je ne l'ai pas lu. Je ne suis d'ailleurs pas tout à fait sûr que ce qu'il écrit m'intéressera beaucoup. Enfin, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est actuellement la cible désignée, renouvelée de l'intolérance et du fanatisme. Dans ce cas, on ne peut appartenir qu'à un seul camp, le sien. Domestic harmony for sure. Lost in the mirage of marriage. Outside a world she'll never know. And as I see through the view, I'm falling straight into a thousand broken mirrors I can't hide. Protecting them at any cost, taking the only course of action. There's no more bridges left to cross. Who are the ones who are the guilty? Who are the ones who wear the scars? We must not leave our sisters bleeding. We sing this song. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui les versets sataniques et la fatwa contre son auteur, Salman Rushdie, dont nous allons parler avec notre invité Gwenaël Calvez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en droit public à Cergy-Pontoise, spécialiste du droit et de la liberté d'expression et auteur du livre intitulé « Territoire disputé de la laïcité » paru en 2018 aux presses universitaires de France. Alors l'affaire des versets sataniques ressurgit dans le débat avec les derniers attentats commis en France et aussi en Autriche. A priori, et d'un point de vue du contexte, ils n'ont rien à voir et pourtant leurs auteurs se réclament de la religion musulmane et c'est en son nom et pour la défendre qu'ils ont blessé, égorgé et assassiné leur victime à Nice le 29 octobre 2020, je le rappelle, et le 16 octobre de la même année, à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Est-ce que ces meurtres, ces assassinats dont nous parlons, Nice et Paris, et d'autres, ce sont des fatwas? Est-ce qu'on peut les considérer comme ça, des fatwas contemporaines? Peut-être au plan sous l'angle du droit musulman dont je suis certainement pas spécialiste, mais si on doit inscrire ces événements dans le prolongement de l'affaire Rushdie, je pense qu'on est quand même un petit peu loin, parce que l'affaire Rushdie, qui est maintenant vieille de 30 ans, s'inscrivait vraiment dans un contexte de lutte contre le blasphème, enfin d'une protestation contre le blasphème, ce qui n'est pas le cas des divers événements que vous avez rappelés, notamment l'attentat de Nice. Là, ce que les gens qui ont tué ou et leurs commanditaires ou leurs commanditaires ne supportent pas, c'est notre liberté d'expression. Mais ce qu'ils ne supportaient pas, c'est Salman Rushdie, c'était aussi cette liberté d'expression et de dire et de critiquer. Il y a quand même un parallèle, voire un cousinage, peut-être plus que ça encore. Oui, peut-être, mais je pense que la vraie postérité, si on peut appeler ça comme ça, de l'affaire Rushdie, c'est quand même l'assassinat ciblé, l'assassinat politique. Les personnes dont vous parlez à Nice, dans l'église, pas plus que celles qui étaient au Bataclan ou à la gare de Madrid en 2004 ou dans les tours jumelles en 2001, toutes ces personnes n'ont pas été tuées parce qu'elles exerçaient leur liberté d'expression. La postérité de l'affaire Rushdie, c'est l'assassinat ciblé, l'assassinat politique qui est lié à l'usage que chacun peut faire de sa liberté d'expression. Les premiers grands assassinats, c'était tous ces kyriels d'intellectuels, d'artistes musulmans ou de culture musulmane. En Égypte, en Algérie, bien sûr, une hécatombe pendant toute la décennie noire, au Koweït, en Jordanie, etc. Donc, dans le prolongement de l'affaire Rushdie, on a le meurtre d'apostats, ce que Rushdie était aux yeux de ceux qui ont appelé à le tuer, et le meurtre de gens qui offensent la religion musulmane. Oui, donc effectivement, je comprends de ce point de vue-là, ce qui est encore plus inquiétant, puisque finalement tout le monde peut être touché par cela. Il faut tout de même que le propos ait une certaine publicité, c'est-à-dire on sache que vous avez offensé Mahomet ou la famille de Mahomet, les femmes de Mahomet, comme dans le cas de l'affaire Rushdie. Oui, mais pas la peine de tenir une position officielle ou d'écrivain ou de politique, c'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Oui, bien sûr. Alors, mais sont quand même plus particulièrement visés les cinéastes, les artistes, les poètes, etc. Alors, l'affaire Mila, maintenant, vous avez tenu une tribune dans Le Monde sur cette affaire, intitulée « Avec l'affaire Mila, un vent mauvais s'abat sur la liberté d'expression », c'est le moins qu'on puisse dire. Revenons sur cette affaire, cette jeune fille qui a dit ce qu'elle avait envie de dire sur Internet, et qui maintenant est obligée de se cacher. Oui, en effet, mais bon, il faut peut-être rappeler que les propos qu'elle a tenus, qui étaient des propos peu amènes, c'est certain, sur la religion en général ou la religion musulmane en particulier, c'était des propos qui étaient tenus en riposte à des injures, des propos totalement orduriers qui la visaient en tant que femme et en tant que femme lesbienne. Donc elle était attaquée et elle s'est défendue sur le terrain de l'attaque de la religion de ses assaillants. Mais dans cette affaire, les pouvoirs publics, je pense, ont fait ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire ils ont mis à l'abri cette jeune femme. En revanche, ce qui est tout à fait frappant, c'est que les associations de défense des libertés ou les intellectuels qui d'habitude sont prompts à intervenir pour défendre des libertés, se sont tus pour l'essentiel. Et quel lien et quel sens existe-t-il finalement entre ces jeunes Tchétchènes, Pakistanais ou venant d'autres territoires, venus tuer en France? Qu'est-ce qui les lie finalement? Alors ça, pour le cas du jeune Tchétchène qui s'est trompé d'adresse en pensant attaquer les locaux de Charlie Hebdo, c'était plus les locaux de Charlie Hebdo. Je pense qu'il y a une enquête en cours. Je ne sais pas s'il agit de son plein gré, s'il était plus ou moins téléguidé par une organisation. J'avoue, je n'ai pas d'informations sur cette personne. Mais la plupart des assassinats qu'on a vus au cours des dernières années se revendiquant de l'islam politique étaient clairement organisé, prévu, prémédité par des groupes très structurés idéologiquement, politiquement, qui ont instrumentalisé de jeunes paumés. C'est quand même ce qu'on a vu, c'est quand même ce qui semble ressortir de maintenant une quinzaine, voire 20 ans d'expérience malheureuse sur ce terrain. Alors, aujourd'hui, c'est peut-être inquiétant. Beaucoup reviennent sur les caricatures de Charlie. Alors, certains pour défendre le droit de caricaturer et la liberté d'expression, bien sûr. Mais d'autres pour dire que certaines caricatures peuvent effectivement choquer certaines communautés et ne devraient plus être diffusées. Pourquoi ce discours est-il toujours porté par certains? Parce que il peut sembler assez inquiétant de dire « on ne peut pas tout dire ». Si, dans une démocratie, on peut tout dire. Alors, au moment de l'affaire Rushdie, il y avait une unanimité sur ce point. Oui, il y a eu un mouvement immense de solidarité, des comités de soutien, des achats aussi de ce livre, qui est pourtant un livre assez exigeant, mais les gens l'ont acheté par solidarité. Il y a eu des ouvrages, il y a eu par exemple un livre traduit simultanément en français et en anglais de 100 intellectuels arabes et musulmans pour la liberté d'expression. Bref, il y avait une très grande unanimité à la seule réserve de la hiérarchie chrétienne, enfin le catholique, le cardinal de Courtrai en France, l'archevêque de Canterbury en Angleterre, qui ont exprimé, mais ils sont dans leur rôle, une solidarité avec les musulmans offensés. Mais sinon, la tonalité d'ensemble dans le débat public, c'était qu'il fallait protéger cet écrivain pourchassé. Mais c'est vrai, vous avez raison de le signaler, qu'il y a cette unanimité s'est fissurée à partir du moment où il y a eu ces affaires de caricature, c'est-à-dire à partir de 2005. Bon, en fait, en Angleterre, elle s'est fissurée plus tôt. Si vous lisez les mémoires de Salman Rushdie, vous verrez qu'il explique que ses amis intellectuels progressistes l'ont lâché finalement assez rapidement au motif qu'il y avait une forme de racisme dans la manière dont il se moquait de Mahomet, ou enfin, en tout cas, dont il parlait de Mahomet en des termes pas convenables aux yeux de la doctrine dominante. Mais bref, à partir de 2005, on a vu se fissurer cette unanimité avec un très grand nombre de gens qui ont commencé à dire qu'il fallait pas trop en faire, qu'il fallait faire un usage responsable de la liberté d'expression, qu'il fallait être prudent pour ne pas heurter les sensibilités religieuses des gens. Et ça, c'est monté en volume à chaque étape de la crise des caricatures en 2005. Quand elles ont été publiées, en 2007 au moment du procès des caricaturistes, en 2015 au moment de l'assassinat des caricaturistes, et là en 2020 au moment de l'assassinat d'un professeur qui apprenait à ses élèves l'art de lire une caricature. Donc plus on avance dans le temps, plus ces voix se font audibles et on les entend on les voit sous les plumes de sociologues, de philosophes, de politistes, enfin. C'est une argumentation qui s'organise autour de la notion de respect des sensibilités religieuses, d'apaisement des tensions, et je pense qu'on assiste sous cette argumentation à une forme de réhabilitation du délit de blasphème. Est-ce que la peur porte ça finalement ? Parce que là, on fait un constat. On peut aussi se demander pourquoi l'unanimité s'est fissurée. Est-ce que c'est la peur qui a provoqué cela ? Si c'est la peur, elle est mauvaise conseillère, parce que la plupart, comme je l'indiquais tout à l'heure, les grands attentats, du Bataclan, de Nice au 14 juillet, etc., n'ont rien à voir avec la liberté d'expression. Donc, l'islam politique et le terrorisme islamiste, c'est pas parce que on s'interdirait du jour au lendemain de publier quelques propos offensants que ce soit sur la liberté musulmane, sur la religion musulmane, qu'il cesserait, hein. Donc c'est une forme de lâcheté qui est même pas efficace. En plus, oui. Alors la peur, elle est adossée aussi à un discours qu'on entend ici et là, selon lequel notre société française, occidentale, chrétienne ou laïque, est menacée par une sorte d'ennemi intérieur, l'islam politique, et encore quand on prend la précaution de dire islam politique, pas islam tout seul, et qu'à terme, ce genre de discours met de l'huile sur le feu, attise des craintes injustifiées. Est-ce que c'est une dérive de penser ça, que notre modèle occidental est menacé, directement menacé? Il est visé, il est ciblé. On le voit, les attentats à Vienne qui se sont déroulés la semaine dernière ne concernaient pas un usage abusif de la liberté d'expression, puisque le blasphème est réprimé en Autriche, la religion musulmane est une religion reconnue en Autriche. Donc je pense pas que je pense qu'il est évident qu'il y a une volonté d'atteindre les sociétés occidentales de la part de ce mouvement politique. Maintenant, je suis pas du tout en mesure d'évaluer la réalité de la menace. Là, c'est pas du tout. C'est tout à fait hors de ma compétence. Non, c'est plutôt sur l'analyse du discours, pas sur la réalité de la menace. Parce que ce discours-là. Mais le discours de quoi, des djihadistes ? Non. Le discours, non pas des djihadistes, mais parmi le discours public, chez nous et ailleurs, selon les sociétés occidentales, selon lesquelles la culture musulmane menace directement notre culture. Ah bah non, la culture musulmane, c'est pas elle qui menace la culture dominante dans les sociétés occidentales. Non, la menace, elle est pas sur ce terrain-là. Depuis janvier 2015, les attentats attribués ou revendiqués par la mouvance islamiste ont fait 263 morts dans l'Hexagone, donc ce chiffre parle de lui-même. Alors, bien sûr, on pose la question, comment s'en protéger, comment lutter contre cette dérive, on a envie de répondre. Par la laïcité, principe et fondement de l'idée républicaine, en tout cas en France, et c'est aussi pourquoi elle est la cible du terrorisme islamique. Enfin, ce serait se fourvoyer que de considérer la laïcité comme la cause de nos malheurs, au lieu de se dire qu'elle peut en être la solution. De toute façon, la laïcité n'a pas grand-chose à voir avec la liberté d'expression. Ce que la laïcité garantit à titre principal comme liberté, c'est la liberté de conscience et accessoirement la liberté de culte dans les limites de l'ordre public. Mmh. Donc la liberté d'expression n'est pas du tout au cœur de la construction laïque. Quand Salman Rushdie présente son personnage de roman ou quand Cabu dessine Mahomet agacé par les islamistes, ce qu'ils font n'a rien à voir avec la laïcité. Ils exercent leur liberté d'expression, leur liberté de création. Donc le seul lien qu'on puisse éventuellement faire avec la laïcité, c'est que dans un régime laïque, la liberté de religion va de pair avec la liberté de critiquer la religion. Ah oui, quand même. Mais ceci vaut pour d'autres régimes qui ne sont pas spécialement laïques. Au Danemark, il y a une église d'État, il n'y a absolument aucune laïcité, mais il y a au sens de séparation des églises et de l'État, mais la liberté d'expression me semble tout à fait assurée. Mais je prends l'exemple du Danemark, je pourrais prendre l'exemple de l'Angleterre. Gwenaëlle Galvez, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Depeche Mode, Personal Jesus. Reach out, touch faith. You're wrong. Gwen Alcalves, vous avez donc publié ce livre intitulé « Territoire disputé de la laïcité » en 2018, où vous nous invitez à analyser les mutations récentes de ce principe qui est celui de la laïcité. Quelles sont ces mutations ? Dans ce livre, en fait, j'évoque plutôt la question des frontières de la laïcité ou du périmètre de la laïcité, c'est-à-dire des difficultés contemporaines qu'il y a à identifier les points d'application de ce principe. Donc, ce sont des mutations, puisqu'on voit que le champ d'application de ce principe tend à s'étendre, mais c'est surtout sur les incertitudes que je m'interroge dans ce livre. Lesquelles en particulier ? Eh bien, on s'interroge, pour prendre un exemple assez classique, celui des parents accompagnateurs de sortie scolaire, la question de savoir s'ils doivent ou non respecter un principe de neutralité confessionnelle comme les enseignants, ou si, au contraire, comme les élèves, ils peuvent se contenter de signes discrets, ou alors, comme les personnes extérieures à l'institution, ils peuvent afficher des signes non discrets, dits ostentatoires. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Mais j'ai surtout écrit un livre sur l'injure raciste, parce que un de mes sujets de recherche, c'est en ce moment, c'est plutôt la liberté d'expression. Et donc l'injure raciste, en tant que, enfin, le sujet de mon livre, c'était les injures qui avaient été adressées à Christiane Taubira. Et l'injure raciste qui est parfois invoquée par des groupes musulmans qui allèguent qu'une injure qui les vise comme musulmans est une injure raciste. Donc, ce qui m'intéresse aussi à la charnière, si vous voulez, de la laïcité et du droit de la liberté d'expression, c'est les propos qui injurient, diffament tel ou tel groupe religieux. La laïcité est un concept évidemment très important, transversal, hein, son champ d'application est immense finalement, et peut-être qu'une partie de nos concitoyens parfois ont du mal à saisir le tréfonds d'une pensée laïque. Qu'est-ce que c'est que la laïcité ? Est-ce qu'il y a un effort pédagogique à faire autour de cela ? Oui, certainement. En même temps, chacun peut avoir de la laïcité la conception qu'il veut. C'est comme de l'égalité, de la liberté, de la fraternité. Vous avez votre conception, j'imagine, moi j'ai la mienne. Enfin, chacun peut avoir sa conception d'un certain nombre de valeurs. En revanche, là où il faudrait être tous au clair et tous sur la même longueur d'onde, si je puis dire, c'est sur le droit de la laïcité, c'est-à-dire de ne pas dire n'importe quoi sur le droit tel qu'il est. On peut le changer d'ailleurs, ce droit, mais ne pas imaginer que la laïcité telle qu'elle s'applique aujourd'hui en France, impose à tous, par exemple, de boire du vin ou de manger du saucisson. Ça, c'est une aberration. Ce sont des raccourcis. Ce sont des raccourcis, mais il faut les combattre, parce que la laïcité est abordée souvent, effectivement, par le raccourci. Beaucoup de gens pensent que la laïcité, c'est l'école publique, par exemple. Voilà. Laïque égale école publique. Et c'est bien au-delà de cela. Oui, le principe de laïcité, c'est un principe de séparation des États, de l'État, au sens la sphère publique, le service public, la loi, tout ce qui est public, au sens qui a un rapport avec les pouvoirs publics, et tout ce qui est religieux, la sphère religieuse. Et évidemment, c'est une séparation qui marche dans les deux sens, c'est-à-dire les pouvoirs publics ne se mêlent pas des affaires religieuses, et les religions ne prétendent pas avoir une emprise quelconque sur ce qui relève de l'intérêt général. Très bien, merci infiniment Gwenaël Calves. Je rappelle le titre de votre livre, le livre qu'on a cité en tout cas dans cette émission, Territoire disputé de la laïcité. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui les Versets Sataniques, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Pierre-Yves Rollin qui était à la technique aujourd'hui.